avec les deux singles Lump et Peaches, morceaux frais et réjouissants. To the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist. Squished a rotten peach in my fist and dreamed about you, woman. Candy in my hand, or can, or pie. Gloria des Pixies sur leur troisième album Bossa Nova sorti en 1990. Frank Black, qui a tout dirigé sur cet album, voulait un disque influencé par la surf music. Histoire d'annoncer la couleur, le premier morceau, Cecilia Ann, est une reprise des Surftones, groupe des années 60. Lors de la tournée Bossa Nova, les Pixies jouaient en ouverture cet instrumental, laissant la salle totalement dans le noir. Quant au texte de l'album, ils sont remplis d'évocations d'ovnis et d'aliens. Passons à Primal Scream, groupe écossais fondé et dirigé par Bobby Gillespie. En 91, le groupe devient célèbre avec l'album Screamadelica, mélangeant rock, électro et psychédélisme. Trois ans plus tard, Primal Scream prend tout le monde à revers avec l'album Give Out But Don't Give It, quittant les dance floors pour s'immerger dans l'univers des Rolling Stones. L'album baigne dans une ambiance rétro, en pleine vague Britpop. Loin d'être parfait, il a le mérite de l'aventure dans des territoires abandonnés par les groupes de l'époque. Your girl, you'll be a woman

copain. Comitern Sect avec Que restera-t-il de toi ? Titre sur la perte des amis, malheureusement de circonstance puisque l'on a appris le décès la semaine dernière du chanteur du groupe, Karl Jaillet. Alors le groupe se forme à Orléans en 1981 et devient l'étendard du punk oi français avec son album autoproduit Les Seigneurs de la Guerre. Une voix brute, chantant les amitiés éternelles, les soirées arrosées et la colère de la jeunesse. Le tout avec un ton provocateur. Mais la scène Oi est infiltrée par les skinheads néo-nazis, et même si Comitern Sect n'a jamais fréquenté la peste brune, les concerts dégénèrent souvent en bagarre entre skin et punk. Fatigué de cette ambiance nauséabonde, le groupe se sépare en 86. Puis, reformation en 2014, avec des nouveaux albums et des tournées, y compris à l'étranger. C'est en 2024 que Comitern Sect donne son dernier concert, avec Karl présent sur scène en fauteuil roulant. Vous avez des images de ce concert sur YouTube, c'est assez émouvant. Changement de style radical avec les Toulousains de Diabologum qui nous offrent en 96 l'excellent album Dies 3. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé. Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés. Et tous les magasins étaient fermés. On aurait dit la guerre, ou bien jour férié. Sans repas de famille et sans électricité, il n'y avait rien à faire, et rien n'a été fait. Il n'y avait rien à faire, incroyable mais vrai. Aujourd'hui c'est reset, problème de scénario. L'hiver est de retour, 6 mois, trop tôt. On s'attendait au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Avait changé. Au milieu du mois d'août, 0 degrés. Il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. Apparemment les gens voulaient se réchauffer. Penser à autre chose, parler un peu de tout. Parler un peu c'est bien, et ça ne gâche rien. Comme ça tous en caouet, comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois, il y avait 2-3 chiens. Je les ai vus trinquer, les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit qu'il était désolé. Ils ont mangé du pain, ils ont l'air d'être à bout. Et si ça continue, ils vont devenir fous. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Il était 17h30 et personne n'a rien dit. On s'est tous regardés et personne n'a rien dit. Ça ne fait plus aucun doute maintenant, aucun doute, j'en ai bien peur. On s'est trompé de A jusqu'à Z, on s'est foutu le doigt dans l'œil et personne n'a rien dit. On voudrait bien faire marche arrière, un nouveau départ en quelque sorte, mais personne n'a rien dit. Ce qui est fait, il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est fait, il est trop tard, et personne n'a rien dit. On a joué aux champions, on a marqué des buts entre 4 blousons, de ce coin de la ville et jusqu'à l'horizon. Il y avait des flammes, toutes les 10 maisons. table, c'est pas... Ah oui, hein? C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, il va tout faire oublier. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit, chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra qu'il travaille. Il dit ça. Ils y veillent. Premièrement, pour le gosse, ils ont fait des saloperies. On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais on peut pas tout. Bon, ben, il faut pas tout avoir d'un seul coup, on peut pas l'avoir d'un seul coup. C'est une étape. Je répète, les gens de chez Mondeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Welcome to the club des Thugs, groupe angevin, et c'était sur l'album IEBF en 91. Le sample de ce cri de rage d'une ouvrière, nous voulons pas rentrer là-dedans, ainsi que le dialogue final est extrait d'un documentaire amateur filmant la reprise du travail dans les usines Vonder après la grève générale de 1968. Le film montre la discussion tendue entre deux syndicalistes CGT voulant convaincre cette femme de reprendre le travail. Elle, par sa colère, refuse, jugeant que malgré l'ampleur du mouvement, les avancées sociales obtenues ne sont pas suffisantes et que rien ne va changer à l'intérieur des murs de l'usine. Au final, l'histoire sociale lui donnera raison. Vous écoutez les Générations Rock sur Radio Fadjet et on ouvre la page années 80 avec le tube des Stranglers, Always the Sun, sorti en 86. Mais bien loin de l'ambiance pop de ce morceau, The Stranglers avaient sale réputation à leur début. Sauvages, teigneux, agressifs, leurs concerts se terminent souvent en bagarre. Les nombreux coups d'éclat laissent d'ailleurs traîner derrière eux une aura de groupe provocateur et incontrôlable. Ainsi, ne supportant pas Philippe Manœuvre de Rock'n'Folk, il lui donne rendez-vous à la Tour Eiffel pour une interview. Sur place, il le déculotte et l'attache à un pilier du monument historique. le Big Country par le groupe écossais Big Country sur leur premier album sorti en 1983 et produit par le producteur en vogue à l'époque, Steve Lillywhite. Big Country a eu l'idée un peu bizarre de faire sonner leurs guitares comme des cornemuses en hommage à leurs racines celtiques. On passe à la pop baroque de Flotation Toy Warning, groupe anglais qui sort en 2004 son premier album, dont on va écouter en extrait Happy 13. À noter qu'il faudra attendre 10 ans avant la sortie d'un second opus. Thank you. force de se regarder, de ne pas comprendre, de ne pas s'aimer vraiment. Le temps nous est compté. Vraiment, le temps nous est compté. Alors puisque le mal est fait, que le trou grandit, le lit défait, chacun se garde, chacun se tait. Que chacun se regarde, chacun se tait. C'est un homme dont le corps se penche comme un arbre mort, il tend ses branches, mais le froid est là, la neige est blanche. Mais le froid est là, la neige est blanche. Le froid est là, la neige est blanche. Il s'en va demain, continue sa route, tout le long de son chemin, chaque pas lui coûte, pour se détacher de toi, coûte que coûte. Pour se détacher de toi, coûte que coûte. C'est un homme dont le corps se penche, comme un arbre mort, il tend ses manches, mais le froid est là. Blanche. Mais le froid est là, la neige blanche. Le froid est là, la neige est blanche. Quitte pour ce pays-là où tu dis que les gens sont beaux. Que veux-tu de plus que tu n'as pas? Que veux-tu de plus que tu n'as pas? C'est un homme dont le corps se penche comme un arbre mort, il tend ses branches, mais le froid est là. La neige est blanche, mais le froid est là, la neige est blanche, la neige est blanche. Gérard Moncey avec La neige est blanche, sublime chanson au goût amer publiée en 79 sur l'excellent album Royaume de Siam. Gérard Moncey, gardien intègre de ses masters, a semé le désordre dans sa discographie lors des rééditions en CD puis en remasterisé, en enlevant de certains albums des titres et en ajoutant d'autres puisés dans des disques qu'il n'a pas jugé bon de rééditer. Les générations rock touchent à sa fin. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, merci de votre attention. Le podcast sera disponible sous 24 heures sur la page Les Générations Rock du site de Radio Fadjet, page sur laquelle vous pouvez aussi retrouver toutes les archives des émissions et le lien Facebook. Après le top horaire, Agathe vous attend avec ses Y Girls pour du rock féminin et à partir de 22 heures, une programmation 100% rock sur notre antenne. Nous, on se quitte avec un groupe des années 60, The Underdogs. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.